Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur les chemins de la philosophie. Les passions sont-elles de bons guides? Comment bien vivre en ne suivant que ses sentiments? Et comment bien vivre ensemble si chacun d'entre nous ne suit que son bon plaisir? Et si les désirs et les émotions valaient mieux que de grands principes, c'est le pari du philosophe écossais David Hume qui, entre le cœur et la raison, a tranché pour la sympathie. J'étais fait pour les sympathies. L'amour en bagnole. Les mensonges teintés d'ennui. Les jeux de cartes biseautés. Antipathie et sympathie. J'étais fait pour ça. J'étais fait pour les sympathies, à la rigueur des tas d'amis. J'étais fait pour ça, non pas pour l'amour. J'étais fait pour les 5 à 6, à la rigueur les 5 à 7. Bonjour Céline Bonico-Donato. Bonjour Géraldine. Vous êtes maître de conférences à l'École nationale supérieure d'architecture à l'Université Grenoble-Alpes. On vous doit une archéologie de l'interaction de David Hume à Erving Goffman, c'était aux éditions Vrin, et apprendre à philosopher avec Hume aux éditions Ellipse. Pour commencer cette émission sur la sympathie, avant tout, est-ce qu'on peut dire que Hume est l'un des seuls dans l'histoire de la philosophie à avoir réussi à redorer les passions tant décriées au nom de la raison ? Ce que l'on peut dire, c'est que Hume, au XVIIIe, s'inscrit dans une période de la philosophie qui réhabilite les affects, qui réhabilite les passions. Donc bien sûr, au XVIIe, dans les grands traités de la philosophie, que ce soit ceux de Descartes ou ceux de Spinoza, on voit une attention aux affects, aux mouvements émotifs. Mais ces affects, ces émotions sont prises en étau par rapport au rôle de la raison qui reste prédominant. Au XVIIIe, ce que l'on voit, c'est une approche beaucoup plus descriptive du comportement humain, beaucoup moins normative, et qui va s'attacher aux principaux mouvements de la nature humaine que l'on peut observer chez chacun d'entre nous, la peur, la joie, l'amour, la haine, et tout le geste de la philosophie des Lumières, et notamment de Hume, ça va être de montrer l'efficace de ces passions plutôt que de la raison pour comprendre un certain nombre d'actions. Et donc, il me semble que l'originalité de la philosophie de Hume par rapport à ses passions, ça va être non seulement de les réhabiliter en montrant toute leur importance pour comprendre la genèse de l'identité, pour comprendre le lien social et même pour comprendre l'approbation morale, en essayant de relativiser le rôle de la raison qui pour Hume est l'entendement, qu'il a étudié dans le livre 1 du traité. Donc il ne va pas opposer la raison aux passions, mais il va subordonner l'entendement au mouvement impulsif que va donner la passion à l'action humaine. Il dit même « la raison est et ne doit être que l'esclave des passions ». C'est une affirmation très forte. Une affirmation très forte et assez provocatrice, puisque là, il prend le contre-pied d'un certain nombre de textes philosophiques fort connus, comme ceux de Pascal ou de Malebranche, qu'il a lu avec beaucoup d'attention, qui ne cesse de dire que la raison doit dominer sur les passions, que ce que l'on doit écouter, c'est la voix de notre raison et pas du tout les mouvements pulsionnels, bas et instinctifs qui nous rapprocheraient plus de l'animal qui nous ferait un homme digne de ce nom. Et donc, lorsqu'il dit cela, il faut comprendre que c'est une phrase provocatrice, puisque en fait, pour Hume, la raison et les passions ne sont pas sur le même plan. Donc ce qu'il veut nous dire par là, c'est que la passion, c'est le mouvement premier qui me fait agir. C'est l'impulsion qui seule peut me motiver. Toute action démarre à partir d'une pulsion, à partir d'un affect, à partir d'une émotion. Donc si j'ai une opération de l'esprit, de l'entendement, par exemple je fais un calcul mathématiques, ça n'est pas ça qui va me pousser à agir. Par contre, si j'ai peur, c'est là où je vais agir. Tout à fait. C'est-à-dire que si j'entre dans une boulangerie, on peut dire ça, ce n'est pas parce que je sais qu'elle vend des pains au chocolat, c'est parce que j'ai faim. Donc l'impulsion première de l'action, c'est cette faim, ce désir de se sustenter. Et qu'est-ce que fait l'entendement ? L'entendement se contente d'indiquer les moyens pour satisfaire ce désir premier. Donc la pulsion est motrice et l'entendement éclaire les moyens qui vont permettre de la satisfaire. Donc on peut dire que l'entendement, qui est la faculté de raisonner, d'établir des liens entre des faits, vous en avez parlé hier, ou alors des liens entre des idées, elle se contente d'éclairer la passion pour savoir comment elle peut se satisfaire. Mais donc, elle est subordonnée. Donc, elles ne sont pas sur le même plan. La passion est motivante et la raison ou l'entendement se contente de lui permettre de la satisfaire. Je vous propose, Céline Bonico-Nonato, qu'on entende ce texte qui illustre ce que vous venez de dire, à savoir que les passions et la raison ne sont pas du tout sur le même régime. Il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à une égratignure de mon doigt. Il n'est pas contraire à la raison que je choisisse d'être totalement ruiné pour empêcher le moindre malaise d'un Indien ou d'une personne qui m'est totalement inconnue. Il n'est pas davantage contraire à la raison que je préfère, même en connaissance de cause, un moindre bien à mon plus grand bien et que j'éprouve une affection plus ardente pour le premier que pour le second. Un bien trivial peut, en raison de circonstances particulières, produire un désir supérieur à celui que suscite le contentement le plus considérable et le plus estimable. Et il n'y a rien de plus extraordinaire en cela que de voir en mécanique un poids d'une livre en soulever un de 100 grâce à l'avantage de sa situation. En bref, une passion doit s'accompagner d'un jugement faux pour être déraisonnable. Et même alors, ce n'est pas la passion qui, à proprement parler, est déraisonnable. C'est le jugement. Céline Bonico-Donato, on vient d'entendre un extrait du Traité de la nature humaine, le volume 2, dans lequel David Hume dit cette phrase assez marquante, hein, qui parle à tout le monde. Il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à une égratignure de mon doigt. C'est une phrase très actuelle. Une phrase très actuelle, assez effrayante hein, quand on la lit, qui ne peut manquer de faire réagir. Mais il me semble qu'il faut comprendre la provocation en fait que fait Hume en disant cela. S'il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à une égratignure de mon doigt, donc s'il n'est pas contraire à la raison de préférer un intérêt partial au bien commun, une forme d'égoïsme. Tout à fait. S'il n'est pas contraire à la raison, c'est parce que la raison porte uniquement sur des relations entre des faits. Donc ce que veut nous dire Hume, c'est que ce désir, préférer la destruction du monde entier à une égratignure à son doigt, c'est un fait. Un fait que l'on va constater. Un fait que le philosophe qui établit la science de la nature humaine, fondée sur l'observation et l'expérience, se contente de remarquer. En soi, il n'est pas contraire aux relations que peut établir l'entendement. Il s'agit d'une impulsion première que l'on se contente de noter. Mais là où je vous disais que le texte est provocateur, c'est qu'il ne s'agit pas pour Hume de dire que tous les désirs, que toutes les impulsions se valent. Puisque, en effet, vous en avez parlé lors de la séance de lundi, par exemple, sur la fiction de l'identité personnelle, on voit bien chez Hume qu'il y a un certain nombre de croyances, et il me semble que l'on peut appliquer cela également aux passions, qui vont se justifier, bien qu'elles ne reposent pas sur des règles rationnelles, qui vont se justifier par leur utilité pratique. C'est-à-dire, si toutes les passions, on peut se contenter de les observer, si elles n'ont rien à voir avec la raison, puisque c'est une impulsion première qui ne fait pas intervenir les règles de l'imagination, il n'empêche qu'il y a des désirs, des passions, qui peuvent se retourner contre la personne qui les a, et donc qui se révèlent nocives ou inutiles. Si le mouvement premier de la passion, c'est de rechercher le plaisir, on peut douter qu'une passion qui veuille préférer la destruction du monde à une égratignure sur mon petit doigt me satisfasse entièrement. Et donc, pour Hume, si toutes les passions sont naturelles, si elles ne font pas intervenir des règles de l'imagination, il n'empêche que certaines passions peuvent être dites arbitraires. Elles procèdent bien de principes de la nature humaine, mais de principes de la nature humaine qui deviennent pathologiques. De même que la maladie fait partie de la nature, on pourrait dire, mais une nature malade qui se fourvoie. Si toutes les passions sont des faits, des impulsions, il n'empêche qu'il faut faire intervenir un test pragmatique. Et donc, dans la liste qu'il nous fait là de tous ces désirs un peu choquants, j'aurais envie de dire, il s'agit bien de se demander lesquels vont me permettre d'obtenir du plaisir et lesquels vont au contraire se retourner contre moi. Mais là, on fait bien intervenir une opération de l'entendement ou de la raison pour pouvoir discriminer entre des passions qui me conduisent à une peine ou à un plaisir. Il va bien falloir faire intervenir en tout cas un agent extérieur aux passions elles-mêmes pour pouvoir les réguler. Oui, tout à fait. Mais il me semble que ce que veut nous dire Hume en introduisant ce critère de test pragmatique, c'est qu'il s'agit surtout de l'œuvre du philosophe, en fait, qui, après coup, en ayant fait cette cartographie, j'aurais envie de dire, des plaisirs et des désirs, nous montre ce qu'il en est. Alors après, bien évidemment... C'est bien un travail, pardonnez-moi, un travail de la raison, le travail du philosophe. Tout à fait. Donc la raison intervient quand même pour recadrer ces passions. La raison intervient, j'allais dire, à la fois pour évaluer leurs effets, mais surtout pour pouvoir éventuellement les satisfaire. Parce que si on en reste à l'impulsion brute, j'ai faim. Oui, pour trouver les moyens, voilà. Se dire que la boulangerie est ouverte de 9h à 20h. Et si je ne réfléchis pas, eh ben, la passion devient lettre morte. Donc il y a bien une collaboration entre l'impulsion première, qui est motrice, qui est seule motivante, mais qui ne se représente pas les moyens pour se satisfaire, et la raison qui vient la seconder. Et donc, s'il nous dit que les passions ne peuvent pas être déraisonnables, c'est parce que les passions et la raison ne s'opposent pas dans la mesure où elles n'ont pas la même fonction. À la rigueur, ce qu'il faudrait dire, c'est que la passion est non rationnelle parce qu'elle n'a pas le même champ d'extension. Elle n'est pas déraisonnable, elle est non rationnelle. Exactement, parce qu'il n'y a pas opposition. Parler de déraisonnable, ça serait considérer que les deux facultés, même si Hume se refuse à employer ce terme, seraient sur le même plan. Est-ce que vous trouvez que ce postulat anthropologique, parce qu'il s'agit de ça, est vraiment pertinent ? Est-ce que pour vous, ça vous parle vraiment de dire c'est la passion qui est première, la raison n'est qu'une aide pour parvenir à obtenir ce vers quoi la passion me conduit ? Est-ce que c'est une description anthropologique qui vous semble pertinente et peut-être plus pertinente que de postuler un être humain uniquement mu par des opérations de l'esprit ? Oui, alors moi c'est une description de la nature humaine que je trouve très fine et qui me parle beaucoup, puisque je considère que même si l'on regarde, des activités théoriques, intellectuelles, que ce qui nous meut dans ce cas-là, c'est l'amour de la vérité, c'est la curiosité. Donc il faut toujours une impulsion première, et je trouve que la description que fait Hume de la nature humaine, elle est beaucoup plus proche de ce qui se passe en nous qu'un certain nombre de textes philosophiques qui peuvent nous donner une reconstruction qui nous semble assez éloignée de ce que nous vivons au quotidien, où nous expérimentons bien en nous-mêmes ces mouvements affectifs, ces joie, ses peurs, etc. Et la raison qui se contente de les éclairer avec plus ou moins de pertinence, aurais-je envie de dire. L'envie est toujours punie. C'est un très gros défaut. Rosette, tu sais quel est ton gros défaut ? Non, monsieur l'instituteur. Écoute ce que mon dictionnaire dit de l'envie. Car tu es envieuse, Rosette. Envie. Divinité allégorique, fille du Styx et de la nuit. Est représentée sous les traits d'une vieille femme, laide et décharnée, entourée de serpents dont un lui ronge le cœur, le teint livide, l'œil enfoncé, le regard louche et sombre. L'envie est une passion éminemment concentrique, c'est-à-dire qu'elle refoule le sang de la périphérie vers les organes intérieurs. Le foie regorgeant d'un sang noir, la peau prend une teinte livide. L'irritation des intestins se transmet au cerveau, comme pour lui faire partager ses souffrances. De là naissent des pensées sombres et tumultueuses qui finissent par conduire l'envieux à l'hypocondrie, à la folie, à la mort. Voici une description de l'envieux. C'est dans le film Les Sept Péchés Capitaux. Donc, c'est un film à sketch de 1962. Ce sketch sur l'envie a été réalisé par Édouard Molinaro et il nous semble résonner avec la cartographie des passions que fait Hume dans son traité de la nature humaine et notamment quand il parle de l'envie en disant « Pour ce qui est de l'envie, bien qu'elle est pernicieuse, elle n'agit que par intervalles et est dirigée vers des personnes particulières que nous regardons comme nos supérieurs ou nos ennemis. Seule cette avidité d'acquérir des biens et des possessions pour nous-mêmes et nos amis les plus proches est insatiable, perpétuelle, universelle et directement destructive de la société. » Parce qu'il faut quand même venir aussi à cet enjeu-là sur les passions chez Hume, c'est que les passions nous permettent peut-être de nous conserver, elles nous permettent peut-être de persévérer dans l'existence, mais elles détruisent aussi la société. Oui, ben merci beaucoup pour cet extrait. Et c'est vrai que l'analyse des passions dans le livre 2 est assez paradoxale, puisque dans le livre 2 du traité, pardon, puisque Hume va faire des passions, j'allais dire, la réalité de l'espace social. L'espace social est un espace affectif. Donc il comprend véritablement les passions comme un facteur d'union entre les hommes, y compris les passions qui, a priori, nous paraissent les plus antagonistes par rapport au lien social, comme l'envie, la méchanceté, la jalousie. Alors c'est vrai que c'est assez curieux, ce tableau qu'il nous fait, ne passant sous silence aucune noirceur, j'ai envie de dire, de l'âme humaine, tout en nous montrant que les passions socialisent. Alors comment il parvient à réaliser ce tour de force et que j'allais dire qui est original en fait dans l'histoire de la philosophie, puisqu'il parvient à penser le lien social, mais peut-être qu'on en reparlera, non pas à partir de l'institution du contrat, mais à partir de la circulation des affects. Ben pour comprendre cela, il faut faire intervenir un principe remarquable qu'il introduit dans le livre 2 du traité, qui est le principe de sympathie. Et donc, pour bien comprendre ce que c'est que la sympathie, il faut partir de la critique de l'identité personnelle qu'il fait dans le livre 1 du traité dont vous avez parlé. Hume considère que le moi de l'individu n'est pas posé d'emblée, qu'il n'y a pas de moi substantiel, qu'il n'y a pas d'individualité qui existerait indépendamment de sa relation avec les autres. C'est là la thèse qu'il introduit dans le livre 2. Dans le livre 1, on en reste à l'idée que l'identité personnelle est une fiction. Dans le livre 2, il reprend le problème pour considérer que l'identité personnelle est une construction sociale qui est engendrée par certaines passions. Et donc, comment il va parvenir à montrer cela? Grâce au principe de sympathie, comme je le disais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est la sympathie? Est-ce que c'est comme quand on dit aujourd'hui que quelqu'un est sympa, qu'un film est sympa? Non, pas du tout. C'est un autre usage, aurais-je envie de dire, qui est beaucoup plus proche de ce que nous appellerions aujourd'hui l'empathie. La sympathie, pour Hume, c'est un principe qui permet de ressentir ce que ressent l'autre. Donc de partager ses impressions et ses émotions. Ce serait un peu l'équivalent de la pitié chez Rousseau, qui permet de ressentir ce que l'autre ressent en se projetant en lui. Oui, si l'on se contente de dire de se mettre à sa place en ressentant ce qu'il ressent sans en avoir simplement une idée intellectuelle. Mais donc ce principe de sympathie va intervenir dans différentes passions. Donc peut-être qu'on pourra reparler de l'orgueil plus tard, mais par rapport à l'envie justement, pour comprendre pourquoi des passions a priori destructrices du lien social reposent quand même sur un principe de socialité première. Pourquoi je suis capable de détester quelqu'un? Pourquoi je suis capable d'envier quelqu'un? Pourquoi je suis capable de ressentir de la haine pour quelqu'un? Précisément parce que je suis capable de me mettre à sa place, de ressentir éventuellement son bonheur, sa supériorité, les avantages dont il jouit, de les comparer à mon propre état misérable, à ma propre tristesse. Et donc c'est en comparant le bonheur qu'il éprouve, que je ressens moi-même par sympathie, et mon état intérieur, que j'en viens à le détester. Donc ce qui est intéressant, c'est que la haine, l'envie, procède d'un principe de mise en relation première. Mais c'est une mise en relation paradoxale, c'est-à-dire que je peux par exemple détester une amie, mais elle ne va plus être une amie à partir de ce moment-là. Mais il faut bien comprendre que Hume pense le lien social non pas à partir de la relation d'amitié ou même de pitié, comme vous le disiez à propos de Rousseau, mais il pense le lien social à partir de cette idée que nos subjectivités sont ouvertes les unes sur les autres. Donc ce que vous avez vu lundi, l'esprit, l'entendement n'est qu'un théâtre dans lequel passent des impressions sans qu'il y ait de pôle d'unification, sans qu'il y ait de pôle substantiel. Donc ce qui caractérise en premier lieu notre identité, notre subjectivité, c'est qu'elle n'est pas à elle-même son propre fond. C'est qu'il y a une forme d'inconsistance de l'identité. Et ce qui va nous permettre de prendre conscience de nous-mêmes, c'est d'en passer par le regard de l'autre. Et donc c'est pour ça que Hume, dans le livre 2 du traité, commence par ce qu'il appelle les passions indirectes, l'orgueil, l'humilité, l'amour et la haine, où l'on voit, il nous dit par exemple que l'orgueil produit comme idée l'idée de soi. Donc c'est parce que l'orgueil nous permet de nous réfléchir dans le regard de l'autre que je vais prendre conscience de moi. C'est donc en étant d'abord un soi pour autrui, à travers son regard, que j'en viens à penser ce que je suis véritablement. Et ce qui est très intéressant, c'est que comment l'orgueil procède ? Pour éprouver de l'orgueil, il faut posséder une qualité ou un objet qui est digne d'admiration. Et donc c'est bien en se mettant par sympathie à la place de l'autre qui admire ma beauté, ma grande maison, mon intelligence, les multiples choses que je peux posséder, que j'en viens à ressentir de l'orgueil et que l'orgueil va produire l'idée du soi. Donc on voit bien en fait comment il y a une forme de déficience, j'aurais envie de dire, de l'identité personnelle, qui vient peu à peu se combler, se remplir par l'appréciation d'autrui à mon égard, que je partage par sympathie. Donc c'est les impressions d'autrui qui, de manière paradoxale, vont nourrir mon entendement. Mais c'est un petit peu effrayant ce que vous décrivez là, parce que ça veut dire qu'on est fait de l'autre, mais que l'autre n'est fait que de moi, et qu'un autre est fait que de l'autre, etc., etc. Donc en fait, il y a juste des impressions qui circulent dans un espace social avec des sortes de fantômes qui, à un moment donné, revêtraient tel sentiment, telle passion, mais il n'y a pas de fixité, et puis surtout, il n'y a pas de même sans dire d'identité personnelle, même pas de personnalité, de singularité. Je ne sais pas si on peut dire que c'est effrayant ou au contraire rassurant de penser. Rassurant dans quel sens ? Rassurant de penser que le moi n'est pas une fatalité qui pèserait sur moi et que je devrais être emballée tout au long de mon existence. Mais on n'en est pas pour autant libéré si en fait c'est la personne, l'autre avec lequel je me mets en comparaison ou en concurrence qui me guide. Ça n'est pas non plus un moi que je subis, mais c'est l'autre que je subis, ce qui revient au même. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un moi que je subis, c'est plutôt ce que l'on peut dire, à mon sens, c'est que Hume va vers une compréhension de l'identité personnelle qui est proche de ce qui sera développé plus tard en sociologie avec la notion de rôle social. Et donc, ce que l'on peut penser, alors Hume ne va pas aussi loin, mais en fait, on a une multiplicité, on peut dire, de self, de soi, qui vont émerger au cours d'un processus qui est à la fois d'individualisation et de socialisation. Donc, effectivement, on peut dire que ma personnalité et celle d'autrui se constituent dans un jeu de miroir constant où on ne sait plus. Donc là, vous avez raison, ce qu'est l'original, ce qu'est le reflet. Donc, vous avez parlé, oui, c'est ça, de fantôme ou de reflet, mais en même temps, cela permet une certaine liberté par rapport à ces jeux de reflets dont on peut changer. Chez toutes les créatures qui ne vivent pas comme des prédateurs aux dépens des autres et que n'agitent pas des passions violentes, se manifeste un remarquable désir de compagnie qui les associe sans qu'elles ne puissent jamais projeter de récolter le moindre avantage de leur union. Ce trait est encore plus saillant chez l'homme qui, de toutes les créatures de l'univers, désire le plus ardemment la société. et se trouve doté en sa faveur des meilleures dispositions. Nous ne pouvons former aucun souhait qui ne fasse référence à la société. Il n'est peut-être pas possible d'endurer un châtiment plus pénible qu'un isolement complet. Tout plaisir devient languissant quand on en jouit hors de toute compagnie, et toute peine devient alors plus cruelle et plus intolérable. Quelles que soient les autres passions qui peuvent nous agiter, orgueil, ambition, avarice, curiosité, vengeance ou luxure, leur âme ou leur principe animateur, c'est la sympathie. Elle perdrait même toute force si nous devions nous dégager entièrement des pensées et des sentiments des autres. Que tous les pouvoirs et les éléments de la nature conspirent à ne servir qu'un homme et à lui obéir exclusivement. Que le soleil se lève et se couche à son commandement. Que l'océan et les fleuves roulent leurs flots à sa guise. Que la terre fournisse spontanément tout ce qui peut lui être utile et agréable. Il n'en restera pas moins misérable tant que vous ne lui donnerez pas l'occasion de partager son bonheur, ne serait-ce qu'avec une personne dont l'estime et l'amitié lui fassent plaisir. C'est un texte assez incroyable, très beau, que l'on vient d'entendre Céline Bonico-Donato, interprétée par Vincent Schmitt. Il est extrait du Traité de la nature humaine, toujours le deuxième volume de David Hume, bien sûr. Et ces dernières lignes sont incroyables. Que le soleil se lève et se couche à son commandement, que l'océan et les fleuves roulent leurs flots à sa guise, que la terre fournit spontanément tout ce qui peut lui être utile et agréable, il n'en restera pas moins misérable tant que vous ne lui donnerez pas l'occasion de partager son bonheur. Finalement, ce que Hume postule avant tout, plus qu'une description anthropologique d'un homme, c'est de tous les hommes. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce texte est frappant et que l'on a envie de s'intéresser de plus près à cette fin où il critique en fait l'idée que ça soit l'amour de la puissance, que ce soit le désir de s'affirmer, qui soit moteur pour l'homme. Et effectivement, il nous fait bien un tableau d'un homme qui est d'emblée social. Et donc, pour bien comprendre ce texte, et notamment voilà la fin que vous avez rappelé, que tous les pouvoirs et les éléments de la nature conspirent à ne servir qu'un homme et à lui obéir exclusivement, il n'en restera pas moins misérable tant que vous ne lui donnerez pas l'occasion de partager son bonheur. Il s'agit en fait d'une charge assez virulente contre un grand philosophe que Hume critique souvent à mots cryptés, qui est Hobbes. Hobbes et sa compréhension de l'état de nature, où l'homme est un loup pour l'homme, qui vit isolé et qui vit comme un prédateur aux dépens des autres, hein, ce qu'il dit la première phrase du texte qui vient d'être lu, qui vit comme un prédateur aux dépens des autres, cherchant sans arrêt à s'affirmer. Et Hume va aller contre cette idée d'un individu isolé, autosuffisant, qui n'aurait qu'à affirmer sa volonté, dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'identité personnelle n'est pas première. Il n'y a pas de moi suffisamment consistant pour pouvoir et vouloir s'affirmer. Ce qui va caractériser au contraire l'homme, et c'est là que le texte est intéressant, pourquoi l'homme se trouve doté en faveur de la société des meilleures dispositions, ben précisément parce que l'identité personnelle n'est pas donnée. C'est-à-dire que ce qui est présenté, j'allais dire de manière sceptique, dans le livre 1, cette déconstruction de l'identité personnelle, dans le livre 2, ça devient un argument pour penser de manière descriptive la genèse du lien social. Et effectivement, puisque l'homme n'est pas un individu autoconsistant, la peinture que nous fait Hume du premier état de l'humanité, c'est l'homme qui est pris dans une famille, le couple et les enfants. Ce n'est pas un individu isolé qui se suffirait à lui-même, mais c'est une cellule familiale de base. Et donc, bien sûr, comment on la comprend ? Par ce principe de sympathie qui nous pousse à nous mettre à la place de l'autre pour se nourrir, hein, aurais-je envie de dire, de ses impressions. Et c'est ce que l'on retrouve dans la suite du texte. Tout plaisir devient languissant quand on en jouit hors de toute compagnie. Et il faut bien comprendre que cette phrase, en apparence anodine ou simplement descriptive, où l'on retrouve le Hume qui fait l'éloge de la conversation, de la mondanité, le Hume des salons dont vous avez parlé lors de la première séance. Cette phrase se comprend véritablement à partir de ce moi déficient. Puisque l'entendement n'est qu'un théâtre dans lequel passent des impressions, il faut que les impressions soient vives pour que l'esprit vive. Et qu'est-ce qui va nous donner les impressions les plus vives ? Ben les impressions d'autrui que nous recevons par sympathie. Donc c'est véritablement la compagnie qui nous anime, qui nous constitue. Et bien sûr, il a souvent été dit que Hume était le philosophe des salons, le philosophe de la conversation, le philosophe des bonnes mœurs. Mais il faut bien comprendre que ce ne sont pas des postulats idéologiques, aurais-je envie de dire, d'un bourgeois écossais du XVIIIe siècle, mais qui a véritablement une portée, existentielle dans ce désir de conversation. Et bien sûr, on voit donc que c'est la relation qui est première. L'homme reste misérable tant que vous ne lui donnez pas l'occasion de partager son bonheur. Et ce que je voulais ajouter, c'est que cette critique de l'individu isolé, de l'individu prédateur, de l'état de nature, elle est très importante pour comprendre le libéralisme paradoxal, aurais-je envie de dire, que promeut Hume, puisque Hume n'est nullement un théoricien de l'homo economicus qui ferait de l'homme rationnel, autosuffisant, l'agent de la société et l'agent de l'économie. Au contraire, c'est un penseur de la relation et il ne faut pas partir de l'individu. C'est pour ça qu'il critique les théories du contrat, mais il faut partir du groupe. Donc, ce qui explique des positions économiques plus complexes que ce que l'on a souvent dit. Vous l'avez dit, Céline Bonico-Donato, Hume critique Hobbes, donc qui est l'auteur du Léviathan, oui. Mais il critique aussi tous les penseurs du contrat. Oui. Il y a donc Rousseau, il y a Locke, qui postulent tous les trois que un état de nature qui se finirait par l'association des hommes et qui prendrait la forme d'un contrat et qui marquerait une véritable rupture et qui permettrait par des conventions de garantir la paix, la conservation de tous les êtres humains engagés dans cette association. Mais ce que postule Hume pour sa part, c'est que il n'y a pas d'individu seul et un autre qui vont s'associer, mais plutôt il y a un individu qui n'est, en fait, il n'y a même plus d'individu. On pourrait dire il n'y a que des hommes qui finalement sont déjà tous ensemble. Donc en fait, il nous permet même de revoir même notre manière d'être avec les autres, que ce soit en société, mais que ce soit aussi dans un État, dans une organisation politique. Oui, tout à fait. Ce qui est très important de comprendre pour sa critique du contractualisme, c'est que ce n'est pas une critique, j'allais dire, idéologique qui refuserait la révolution ou la rupture, mais c'est l'idée que à partir des principes de la nature humaine, sans poser une rupture, on peut comprendre une genèse naturelle, et j'aurais envie de dire une histoire naturelle de l'institution. C'est-à-dire que l'on ne va pas penser une rupture entre un état de nature et un état de droit, qui pour une philosophie empiriste conséquente, aurais-je envie de dire, est impossible, puisque Hume est un empiriste. Toute idée découle d'une impression. Or, comment peut-on avoir l'idée d'une institution, d'un État, lorsque l'on vit dans un état de nature où l'on est isolé ? Donc, ce que critique Hume dans l'hypothèse contractualiste, c'est que l'idée d'institution, de contrat, sort de nulle part. Il n'y a pas d'impression préalable qui permettrait de la comprendre. Et donc, lui, ce qu'il propose au contraire, c'est... comme de même qu'il fait une histoire naturelle de la religion, c'est de faire une histoire naturelle des institutions dans un mouvement continu, depuis la famille jusqu'aux sociétés plus élaborées, où c'est le principe de sympathie qui va se raffiner moyennant certains artifices. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a bien un mouvement continu, mais il va y avoir des paliers qui vont être des conventions et non pas des contrats. Donc il y a bien des artifices qui sont mis en place. Oui, ça n'est pas qu'une institution qui découle d'une expérience qui viendrait juste s'ériger alors que déjà tout est en place et qui viendrait officialiser. Il y a quand même bien des on va dire, des structures, des conventions qui se font, qui sont travaillées, qui sont construites. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas de main visible qui présiderait au développement de la société, mais il y a des principes de la nature humaine qui vont devoir se réajuster en inventant certains artifices. Je vous propose, Céline Bonico-Donato, d'écouter une objection, ou du moins une précision de la pensée de David Hume. La nature humaine, dans la mesure où elle est soumise au principe de plaisir, où elle est recherche du plaisir, Hume nous explique qu'elle ne se présente pas comme égoïsme. Hume tient beaucoup à l'idée, en s'opposant à certains de ses contemporains, que l'homme n'est pas essentiellement égoïsme, mais plus profondément partialité. L'homme n'est pas égoïsme, c'est-à-dire n'est pas indifférent à ses semblables, mais dispose d'une sphère naturelle de sympathie. Seulement, cette sympathie naturelle est en même temps une sympathie naturellement limitée. L'homme naturellement sympathise avec ses proches, ses parents, ses semblables. Et avec ses proches, ses parents, ses semblables, nous retrouvons l'action des trois principes d'association, la ressemblance, la contiguïté, la causalité. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie, c'est notre dernière émission sur David Hume. Et vous venez aussi d'entendre Gilles Deleuze parlant de David Hume. C'est une voix jeune de Gilles Deleuze, c'est une archive qui date de 1956. Il nous éclaire sur quelque chose de très important. On l'a dit déjà, Hume, l'importance des passions, ça n'est pas qu'elles soient égoïstes, mais au contraire qu'elles permettent une forme de sociabilité. Mais il y a un point quand même à aborder, c'est que cette institution naturelle de la famille qui va peut-être permettre de penser une institution politique, construite, conventionnelle, il faut pouvoir s'en dégager. La sympathie permet peut-être d'être en contact avec autrui, mais elle est limitée. On ne sympathise qu'avec ceux qui sont proches de nous ou qui nous ressemblent. Comment Hume permet-il de détendre la sympathie ? Oui, oui, ce commentaire de Deleuze est très éclairant par rapport à un problème dont Hume lui-même était conscient. Et donc, en fait, ce qu'il va nous proposer, c'est de penser comment la sympathie peut s'élargir. C'est-à-dire qu'il y aurait deux visages de la sympathie, la partialité, qui est son expression première, et le passage à une sympathie élargie. Alors déjà, il faut comprendre pourquoi la sympathie, elle est d'abord restreinte aux proches. Donc comme je le disais tout à l'heure, la sympathie, c'est la capacité d'éprouver comme impression ce qu'éprouve l'autre. Et Hume va nous dire qu'il y a deux opérations qui interviennent dans cette contagion affective. La première opération, c'est un décryptage des signes du comportement. Par exemple, je vois une personne qui rougit parce qu'elle vient de commettre une bourde, parce qu'elle a oublié de me souhaiter mon anniversaire, par exemple. Et bien donc, je vais inférer que sa rougeur est l'effet produit par la honte. Et pourquoi je fais cette inférence ? Parce que j'ai moi-même expérimenté que lorsque je commettais un lapsus, un acte un peu honteux, je rougissais. Donc c'est-à-dire que l'inférence, et vous avez dû en parler hier, elle est indexée à l'habitude. Et donc, plus je connais une personne, plus je peux facilement comprendre ce qu'elle ressent. Ou alors, plus la personne me ressemble, plus je remonterai également aisément à l'impression qu'elle ressent, impression qui est convertie ensuite en une impression pour que je ressente véritablement comme affect et pas simplement comme idée ce qu'elle éprouve. Mais donc, je sympathise d'autant plus que je connais bien la personne ou qu'elle me ressemble. Et donc, la sympathie, elle intervient en premier lieu, comme vous l'avez dit, dans la cellule familiale. Je sympathise aisément avec mon conjoint, normalement, puisque j'ai l'habitude de vivre avec parfois, lui. Parfois, on sympathise pas trop avec ses parents. On peut dire, ou alors on sympathise trop, aurais-je envie de dire, et on comprend trop bien ce qu'il oui, ressent. Et donc on sympathise également avec ses enfants. Mais donc ce que va nous dire Hume, c'est que cette sympathie restreinte, cette partialité, elle peut devenir contre-productive dans l'hypothèse de la recherche de l'intérêt du clan. C'est-à-dire que dans sa description du passage de la famille à la société civile, il y a plusieurs étapes et la première, Hume va nous dire qu'il y a donc la sympathie restreinte, la partialité qui nous pousse à nous mettre à la place les uns des autres au sein de la famille, à chercher le plaisir de ses proches. Et bien cette partialité, elle va entrer en tension, aurais-je envie de dire, avec une circonstance extérieure, le fait qu'il y a peu de biens qui soient à notre disposition. Et donc, en voulant satisfaire l'intérêt de mes proches, je m'empare des biens qui sont offerts par la nature, mais qui sont limités. Or, comme toutes les autres familles font de même, eh ben, on en arrive à une guerre de clan contre clan. Donc, la partialité qui me poussait à chercher le bonheur de mes proches, finalement, se révèle contre-productive, puisque la guerre des familles contre familles nuit aux familles elles-mêmes. Donc, ce que va nous dire Hume, et c'est une constante dans toute sa philosophie, c'est que les principes naturels sont obligés de se réorienter pour mieux se satisfaire. Donc la recherche du plaisir des proches, elle est obligée de se, j'allais dire, d'inventer une convention ou un artifice. C'est là où on passe de l'état de nature à l'état de droit, c'est-à-dire que Hume finalement reprend une forme de contractualisme, mais la différence c'est qu'il ne l'applique pas d'un individu à des individus qui s'associent, mais à des familles, des clans qui s'associent à d'autres clans, c'est-à-dire juste qu'il élargit l'échelle finalement dans ce passage de l'état de nature à l'état de droit. Non, je serais pas tout à fait d'accord avec vous parce qu'il me semble que donc ce qui est mis en place dans les conventions qui sont inventées par cette auto-correction de la sympathie pour éviter cette guerre de famille contre famille, ça se met en place de manière progressive, donc il n'y a pas un acte fort qui marquerait une rupture, et ça se met en place à partir de ce qui a été expérimenté dans la famille. Or, qu'est-ce que va nous dire Hume? Alors, on peut dire que c'est un tableau un peu idyllique de la vie familiale. Il nous dit que du fait de la sympathie, dans la famille existent des rudiments de justice. Puisqu'on se met facilement à la place les uns des autres, eh ben, on évite de s'emparer trop brusquement du jouet de son petit frère ou du bien de son mari. Et donc, ces rudiments de justice qui consistent à avoir un certain respect, aurais-je envie de dire, de la propriété de l'autre. Alors, bien sûr, tout n'est pas miraculeux, mais ce respect de la propriété, il va être étendu. Donc, vous avez raison, il y a bien une extension, mais qui se met en place à partir d'une sympathie qui se corrige elle-même pour considérer que ce qui est expérimenté dans la famille doit se mettre en place dans la société. Et donc, la différence avec l'hypothèse contractualiste, d'une part, c'est que c'est progressif, d'autre part, c'est qu'il n'y a pas de rupture, et enfin, fondamental, et c'est pour ça que Hume est un penseur très important de ce point de vue-là, il n'y a pas d'État nécessaire pour réguler la société civile. Les conventions peuvent se mettre en place sans qu'il y ait une institution juridique. Seulement entre des clans ou des familles qui discutent et qui se mettent d'accord sur 2-3 règles. Oui, des règles assez importantes, qui sont les règles de propriété qu'il faut pas. Qui sont les règles de justice finalement et qui permettent quand même de penser une société à un état, à une échelle beaucoup plus grande. Tout à fait. Et donc, alors ensuite, ce que l'on voit, c'est que dans la mise en place de ces règles de justice, c'est bien toujours la partialité qui est la finalité. C'est bien pour satisfaire l'intérêt de ses proches que l'on met en place ces règles de justice. Et c'est là qu'il faut faire intervenir une troisième étape, ce que décrit Deleuze avec l'extension de la sympathie. Hume considère que dans cette mise en place de conventions de justice qui étendent ce respect de la propriété à une échelle supérieure qui est l'échelle de la société civile, les familles, en conversant les unes avec les autres, les hommes, en conversant les uns avec les autres, vont étendre leur point de vue. C'est-à-dire que le désir de se mettre d'accord, toujours pour satisfaire sa famille. Donc c'est un cercle vertueux. Plus on veut se satisfaire, plus on va se mettre en contact avec les autres pour parvenir à satisfaire ses besoins, plus on va imiter les autres et donc étendre notre sympathie et, on va dire, devenir plus vertueux. En fait, plus on va pas encore parler de vertu, on va dire qu'on va élargir son point de vue. En discutant avec les autres, on se rend compte que ce que l'on considère fondamentalement utile pour ses proches, l'autre personne fait de même. Et donc, on en vient peu à peu à penser une utilité qui dépasse l'intérêt de la famille, puisqu'on se dit, en fait, il y aurait une utilité pour le groupe. On peut dire ça comme ça. Et donc, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, l'importance de la conversation et de la mondanité qui vont permettre, bien sûr, de nourrir son identité, mais qui permettent aussi d'élargir son point de vue. Il y a cette idée très belle qu'en voulant converser les uns avec les autres, on en vient peu à peu à dépasser la partialité pour apprendre à communiquer. Et en apprenant à communiquer, on apprend à sympathiser avec celui qui me ressemble moins. L'esprit humain est très porté à l'imitation. Et il est impossible que des hommes entretiennent un commerce régulier sans contracter des mœurs semblables et sans se communiquer leurs vices aussi bien que leurs vertus. Toutes les créatures rationnelles ont un fort penchant à vivre ensemble en société. Or, la disposition qui nous pousse à cela nous fait aussi entrer très avant dans les sentiments d'autrui. De sorte que les mêmes passions et les mêmes inclinations circulent comme par contagion d'un membre à l'autre dans tout le cercle. Des hommes réunis en nombre dans un corps politique ont, pour des raisons de défense commune, de commerce et de gouvernement, des occasions d'échange si fréquentes qu'avec une même langue, ils finissent par acquérir des mœurs semblables et partager le même caractère national, qui s'ajoute au caractère personnel de chacun. C'est un extrait du Caractère des nations que l'on trouve dans Essais et traités sur plusieurs sujets de David Hume que l'on vient d'entendre interprété par le comédien Vincent Schmitt. On y retrouve cette idée, Céline Bonico-Donato, que vous venez de développer, de communication, de circulation des passions. On élargit son point de vue au contact de l'autre. Hume, et j'aime beaucoup ce terme, parle de contagion. Mais est-ce que l'extension de la sympathie peut être infinie ? Ah, merci beaucoup pour cette question. Alors, j'aurais envie de dire que pour Hume, l'extension de la sympathie est sans doute infinie en droit, mais qu'en fait, il va y avoir un certain nombre d'obstacles qui vont limiter la contagion des passions. Alors, bien sûr, j'allais dire, dans une société mondialisée comme la nôtre, avec toutes les technologies qui permettent une diffusion extrêmement rapide des impressions via les réseaux sociaux, etc., on arrive peut-être à penser une société mondiale, même s'il va rester des particularités nationales, comme le montre ce texte, du fait simplement des possibilités de communication entre les êtres. Et c'est à partir du moment où on est en contact avec l'autre que la sympathie, parce que vous avez parlé quand même de sympathie qui se corrige, ou qui permet, en tant que principe régulateur, de corriger les autres passions. Par exemple, j'imagine les vices, ou le penchant à l'égoïsme, ou à l'orgueil, à l'envie, comme on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est le contact avec l'autre qui va permettre à la sympathie de se réformer plutôt que l'intervention, je ne sais pas moi, de la loi, ou on a parlé de la raison, ou de la raison, par exemple? Ben, je pense qu'il y aurait deux, j'allais dire, en fait, il y a deux réponses. À un premier niveau, c'est effectivement la sympathie avec l'autre qui nous apprend à nous voir comme nous voit l'autre. Donc, à se considérer soi-même comme peut le faire un spectateur. Donc, on en vient à intégrer le point de vue d'autrui sur soi pour apprendre à se juger de manière moins partiale. Ensuite, ce que nous dit Hume, c'est qu'il est évident que cette correction naturelle peut demander certains artifices et l'intervention de la loi peut en être nécessaire, notamment quand la société est très étendue. Dans une micro-communauté, on peut vivre sans État. Dans une société civile de grande ampleur, c'est assez différent. Mais donc, moi, ce texte, effectivement, c'est un texte que je trouve très important, alors qu'il est assez marginal, j'allais dire, dans l'œuvre de Hume, puisqu'on le trouve dans les essais traités sur plusieurs sujets, donc pas dans un des textes phares comme le traité de la nature humaine ou dans les enquêtes. Mais c'est un texte qui me paraît très important, puisque Hume, étant des premiers philosophes, a pensé l'unité de la société, non pas à partir d'un principe politique qui serait l'État, donc comme on peut voir chez un principe Hobbes, transcendant ou surplombant. Oui, voilà, chez Hobbes ou chez Rousseau, on a des individus isolés et qu'est-ce qui va les unifier ? C'est un État institutionnalisé juridiquement. Et il n'y a pas non plus de, j'allais dire, d'unité qui serait pensée à partir d'un principe métaphysique, comme chez Hegel, avec l'esprit de la nation. Donc Hume parvient à penser l'unité de la société à partir des affects et aussi ce qu'il appelle les mœurs. C'est pour ça que ce texte va un peu plus loin que le livre 2 du traité, à mon sens, puisque les mœurs, c'est les manières de faire, les manières de se comporter. C'est-à-dire qu'il y a non simplement des affects communs, des opinions communes, des représentations communes, mais il y a aussi des manières de se mouvoir, des manières de marcher, des accents, des manières de manger, etc. Et donc, il parvient à penser l'unité de la société à partir simplement des relations entre les individus. Et c'est pour ça que Hume a, d'une certaine manière, ouvert la voie aux sciences humaines. On peut voir par exemple à la sociologie, en décrivant des manières de vivre collectives. Tout à fait. On peut dire que le traité de la nature humaine est une condition de possibilité ou une des archives possibles des sciences humaines, puisque l'analyse qu'il fait de la société de manière purement immanente, purement descriptive, sans se demander si elle est juste, pas juste, il n'y a pas de question de légitimité dans ce texte, on décrit ce qui se passe, va retenir l'attention d'un certain nombre de psychologues et de sociologues au début du XXe siècle. Quand se constituent les sciences humaines. Donc notamment un psychologue qui s'appelle Théodule Ribot, qui est le père de la psychologie expérimentale et qui reprend le concept de sympathie pour penser la socialisation. Donc lorsque l'on veut décrire en tant que psychologue ce qui nous pousse à nous socialiser, il reprend le texte de Hume. Et deuxième héritage important de ce concept de sympathie repris ici sous le terme d'imitation, c'est le sociologue Gabriel Tarde, qui a été le grand rival d'Émile Durkheim, et qui va faire de l'imitation l'objet de la sociologie. C'est-à-dire que lorsqu'on décrit l'unité de la société, on ne va pas se référer, comme vous l'avez dit, à un principe transcendant, surplombant. Et on pourrait dire d'une certaine manière, c'est ce que fait Durkheim, même si tous les Durkheimiens ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais je pense qu'il y a une tendance à l'hypostase sérieuse. Avec la constitution de la société sui generis, comme tout à fait, tout à fait. Et donc là, ce qu'on va étudier, c'est ce qui se passe entre les individus, la relation, l'imitation, et on parlera ensuite dans la sociologie américaine d'interaction. C'est ce qui va être à la fois un principe d'individualisation et de socialisation. Donc on fait du micro-social, mais ce qui se passe entre les individus est bien un principe de relation qui, comme tel, ne relève pas uniquement de l'individu. Est-ce que Hume, en décrivant ce processus de mimétisme, d'imitation qui constitue la société, était uniquement dans une perspective descriptive, ou est-ce qu'il en a tiré aussi une forme de prescription, des normes? Parce que c'est un petit peu aussi les limites de penser une société uniquement par, même si c'était une méthode pour, pour penser la manière dont se constitue une société, mais le véritable enjeu derrière ça, c'est aussi tous les textes qu'on peut avoir en tête sur l'uniformisation, sur la critique de mœurs mondialisées et sans distinction, sans singularité, sans différence. Est-ce que Hume avait en tête cette objection-là à force de descriptions qui deviennent en fait des normes un petit peu oppressantes? Je pense qu'en fait, la manière de vous répondre, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure par rapport au premier texte, par rapport aux passions arbitraires. Il y a un point de vue descriptif chez Hume, point de vue descriptif qu'il assume, point de vue descriptif qu'il revendique, mais il n'empêche que la question sous-jacente est toujours de se demander quel est l'effet produit par cette uniformisation. Et effectivement, dans son Histoire d'Angleterre, qui est un livre fabuleux qu'il faut lire en parallèle avec le traité de la nature humaine, puisqu'il reprend de manière circonstanciée les grands principes anthropologiques. C'est une sorte d'application de sa philosophie à un cas concret qui est celui de l'Angleterre. Tout à fait, exactement. Et bien donc, on va voir intervenir des jugements de valeur par rapport aux effets qui peuvent être produits par certaines uniformisations des mœurs, notamment dans la Révolution anglaise du XVIIe siècle. Comment la contagion de la passion de l'égalité a eu des effets pernicieux. Donc il s'agit de la décrire, de la comprendre, de l'évaluer